Haut et bas, d'Anne Terral. Une réalisation de Michel Sidorov. J'en ai besoin, de toute urgence, de mon jogging. Troisième épisode, le jogging a ses raisons. Tu sais plus dans quel carton tu l'as rangé, je le trouve pas. Quoi? Oh, attends, chérie, on va les ouvrir tranquillement, ces cartons. Là, on fait une pause. C'est important, les temps de pause, tu sais. Une pause pique-nique sur papier bulle avec gobelet plastique, jus de pomme tiédas et gaufrette vercade. C'est trop le pied de déménager. Cette vue, je ne m'en souvenais plus. Il y avait du brouillard quand on avait visité. D'une beauté. Ce ciel démesuré rien que pour nous. Et le petit début de la mer tout là-bas. Ça en valait la peine, cette ascension, finalement. Le parcours a été difficile, d'accord. Toute la caillasse à franchir. Et puis cette immobilité forcée. On se sent récompensé de nos efforts. Dis, chérie. L'air est beaucoup plus pur que dans notre ancien quartier, non? Faudrait le faire analyser. J'aimerais bien savoir quelle est sa composition exacte. Vivi, si tu pouvais surtout savoir où est mon foutu jogging Adidas, ça ferait bien mes affaires. La salle de fitness va bientôt fermer. Je suis vert. Mais papa, tu te prends trop la tête à vouloir être tip-top. Vas-y, en jean, non? En jean, dans ma nouvelle salle de fitness. T'as envie qu'on appelle ton père le poulpe du 13e ou quoi? Depuis la terrasse du 20e étage, il paraît qu'on peut même voir le port. Les navires amarrés, les grues de couleur jaune, bleue, certains chantiers de construction, et puis aussi les bateaux de pêche, encore à quai. Les traces des remorqueurs, huileuses. Et au-delà, le grand large. Maman? Hé, maman, tu viens? Faut aider papa, il vient carrément ouf avec son histoire de jogging. Oh non, ne défaisons pas les cartons tout de suite. Regardez, on n'est pas bien là, sur ce balcon. Un vrai sas de décompression. Comme en suspension entre un banal état solide et un merveilleux état gazeux. Maman, mais t'as fumé ou quoi? Louise, notre vie est complètement coincée à l'intérieur de 40 mètres cubes de boîte. Ça n'arrive pas tous les jours, un truc pareil, tu comprends? Elle est là, notre vie, repassée, pliée, rangée. Un bon paquetage, bien étanche. Alors on peut se permettre de l'oublier pendant quelques heures, non? En attendant, au moins, on est léger. On respire. Humez ce bon air frais. Faut en profiter, je vous assure. Je sais, t'as piqué de l'herbe chez mamie, je parie. Elle a des plantations perso dans son petit jardin, mamie. Elle me l'a dit l'autre jour. Ah bon? Première nouvelle. Mamie est une hors-la-loi maintenant. Elle débloque à 76 ans. Telle mère, telle fille. J'ai déjà entendu ça quelque part. Bon, les gars, c'est pas au milieu du jardin de ma belle doge que mon jogging va repousser. Alors si Madame Heidi veut bien se saisir de son opinel magique et m'aider à ouvrir tous les cartons, sans exception, ce serait formidable. Il ne comprend rien à rien. Les objets ont une âme. Si le jogging ne se montre pas, c'est que le jogging a ses raisons. Cette salle fitness ne l'inspire pas du tout. Ou bien ce sont les mouvements du déménagement qui l'ont perturbé. Le jogging a besoin de reprendre ses esprits. Ne touche à rien, Marc. Je te l'interdis. Pardon? Ne touche à rien ou tu vas tout gâcher. Il faut patienter encore, crois-moi, et laisser passer la nuit. Le contenu de chacun de ces cartons a besoin de repos. On doit respecter ce besoin du carton afin d'éviter tout dégagement de mauvaises ondes pour le reste de notre existence ici. Ton jogging ne se montrera pas avant demain à midi. Mais maman, faut bien qu'on mange, qu'on se lave les dents, qu'on dorme, qu'on sorte un peu nos affaires, quoi. D'où tu sors ces conneries, Vivi? C'est quoi ce délire? T'es devenue dangereusement folle? Tu te rends compte de ce que tu déblatères? Tu nous interdis d'ouvrir nos cartons? Tu nous obliges à patienter par respect pour eux? C'est une aberration totale! Crie pas si fort, papa, on a des voisins, et en plus on les connaît pas encore. Je crie si je veux. Et si je veux, je les ouvre tous, ces cartons. Tous! Vous m'entendez, les gars? Tous! On est foutus. En plus, il les éventre littéralement. Ça ne va rien arranger. Maman, arrête ton char, tu me fais flipper. Et dire que je rêvais de me glisser à l'intérieur de l'un de ces cartons. J'aurais pu carrément y passer. Tu dis quoi, maman ? Rien, ma chérie, rien. Juste que l'avenir est incertain. C'était Haut et Bas, d'Anne Terral. Avec Sophie Bouilloux, Geoffroy Lidvan, Albertine Villain-Guimara, bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Michel Sidorov. Enregistrement effectué les 4 et 5 septembre 2015 à Paris et au Kremlin-Bicêtre.